l'art si chaud, tu captes pas dans nos bouches la manoucherie petit. Je me répète, c'est soit je force les nez manoucheries trimar. Faut respecter qu'on part pas le rocher à Nantes. La relève à la dalle et défilé Roger à Nantes. KF, ça c'est l'école, donc je révise dans mes fiches beaucoup. Joue les dangereux sont inoffensifs que mes fixes. Je pose à la chaîne, c'est mieux qu'un chat frappe à l'usine. Esprit guerrier, j'oublie pas que chaque frappe a une cible. Viens pas au secteur, crois pas que son s'étendre. On alterne joie et peine, gros. Comme à 11 septembre, ça dit que vers chez nous, y'a une odeur de brousse champagne. Encore un rap sorti de la cave, comme un bon champagne. Tu cool mais explosif, mais tous ceux qui m'aillent savent. Dans la vie, j'ai qu'un but, faire grandir Maïssa. Alors que toir, rien que tu te vantes. Sans contrevendique, noir siphon 93, 190. Créateur de texte avéré dans un monde de fou, ambiance texte avéré. Ok l'équipe armée les bigs du labo à la bas en bas. Dans la bagnole en indé, j'débile pour marquer les esprits. À l'encrader les piles comme le boule d'Aleberry. Mélange explosif, pas comme dans une allée de Péroute. Dans le 18 ça rappe et le but c'est d'y allier le plaisir. Mais on n'oublie pas qu'à l'époque et quelques pas d'ici c'est fait Can et Mérine. Cocktail explosif, faut que j'arrête mes sons merde ça l'Égypte. Si le rap est mort, wesh alors moi je suis son médecin légiste. Big rap c'est dur, tous mes potes sont au parquet des vrilles. Si on vend plus, plaquette de shit, je te parquet de frites. Tu vis, tu meurs, tu ris, tu meurs avec ampleur. Tu t'es ta peur, une tu ris, tu chies quand t'es en pleurs. Après un joint, on s'envole tous comme la Doloréal. On manque de thunes, ça me tue quand je vois le transfert Ronaldo au Real. C'est bien réel, mon rêve BMCL 500, je dirais pas qu'on vit bien. Car si c'était le 500, j'irais. J'ai pas de cova, mais bon, je roule pas en Vélib aussi. J'ai trop subi d'arnaque, je veux pas finir comme Arphilippe possible. Sois pas jaloux, c'est tout. J'ai rien que t'as le seul, Marine te fait l'effet d'un tout. J'ai rien que t'as le seul, cherche pas à savoir les gens comment ils sont, regarde-toi. Seul Dieu juge, la vie c'est pas une commission, regarde-toi. La Bretagne à Paname, dans ma région, l'orage te soulève. Un mélange explosif comme le sucre, le chlorate de soude. Y'a plusieurs déflagrations. Escoute à la miente, MSD plus MSD, ça donne MSDNT. Ici ça pète fortement, ça résonne si seigneur. Y'a de l'écoute mais sur une dizaine de personnes qui s'ignorent. Deux fois 10 seigneurs de Mike, fais gaffe à distance. Car quand la poudre s'enflamme, rêve comme en Afghanistan. Il fallait que ça sache, accro à Mike dans le fal. Sarah sale, ta phénix sa mère, on n'est pas là pour sale face. Mélange explosif, frappe et crache des sales faces. C'est la Bretagne, Paname et c'est quelques environs. Y'a trop de pérards dans le rap et mettre des claques c'est environ. Je répare un mélange explosif, c'est comme le shit de Sky ou une connexion d'MC. On me dit que faire du rap c'est chef, mais moi j'en sors que des bonnes vibrations. D'ailleurs c'est peut-être à cause de ça que je ne suis impatient. Prendre un coup de vieux, non, vendre les yeux que je veux. Et si tu veux me stop, il faut que tu vises entre les deux yeux. J'fous le souk et fous le blues à la belle poussée. Trop ouf, tout c'est la belle souffle d'être de belles poufs. J'ai la rime extensible, un mélange explosif et ça me démange. Mais détruire ce qui me dérange, est-ce que c'est ma face, des basses, c'est basse, ma voix, je dépasse, et je trace, et place, mes phrases, je place, et des places, ma voix, des basses, les basses, car je vaxe, on tasse, les crasse. Je parle le vide, car j'ai la rage comme un MC en panneau de pique, ça parle le beat, car parle le beat, comme un charclo qui parle de bif. J'ai pas de limite, je ne sais l'échec des feuilles. Donc range bien tes baskets, tout comme beaucoup lui dit devant son assiette, et ben je lâcherai pas steak. Tu sais, ce qui m'inquiète, c'est que ça bat, car tout le monde se pisse dessus. Le 7-5-0 dévoile sa rage, juste en un 8 mesures. Mélange explosif avec lequel je me brûle les doigts. Mélange nocif, t'as cru quoi, il se fout bien de toi. Y'a un moment que c'est foutoir, quand qu'il s'expose pas ici. Depuis le temps qu'on traîne la patte, à quoi que la merde nous abatte. On longe même à part, sentiment d'être mis à part. Mélange explosif comme un cocktail molotov. Rêver qu'on style est devenu bien monotone. Mélange toxique comme l'alcool et les médocs. À rien caché, vu qu'à l'école j'étais médiocre. C'est un mélange explosif, donc comme chacun je vide mes tripes. Ne va pas croire, je t'en prie, que soudain est mon envie d'écrire. Est-ce qu'on m'en dit des rimes, on n'est pas de ceux qui pompent sus. Je vois que ce monde dit des rimes, personne n'arrêtera le processus. Promis, si je deviens connu, je prendrai pas du cash pour un feat. Je resterai moi, c'est-à-dire simple, gonflerai pas ma cage thoracique. Demande autour de toi, mec, le rituel se bouge. Ce soit un séisme qui se ressentira dès la 8ème secousse. On agit mal laissé dans le vice, notre vie on la facilite. On garde nos rimes secrètes, mais les jaloux, quoi qu'on facilise. La mort, c'est qu'à risque. Fais bail les Qatarines, si le rap c'est de l'or noir, moi je suis riche comme un Qatari. Si j'entends une rime claquer, je viens condamner l'auteur. Une énorme renommée, pourtant je trouve con Daniel Auteuil. Du courage, fausse courage, beaucoup courage et du courage. T'es coupable, les coupables, des coupages, belles et coupables. Dur d'affronter ses problèmes, facile de se mettre au collal. Se battre pour des causes désespérées comme être collard. Pas facile d'ouvrir les yeux à l'heure où tes potes les ferment. Et pour une go de dire non, quand on lui tripote les fesses. Les petits veulent plus d'un taf, yo. À l'usine Ediz, je vais percer dans le foot, mais en toi j'ai pas vu de Zinedine. Dans mes souvenirs, il neige, les Ineless, les Girines. Dans la haine et mon 16, les balais comme tes dirinaires. Il fallait que ça sache, accro à Mike dans le fan. Sarah sale, ta Félix, sa mère, on n'est pas là pour sale face. Mélange explosif, frappe et crache des sales faces. Mélange explosif. C'est la Bretagne, Paname, et c'est quelques environs. Y'a trop de pérards dans le rap, et mettre des claques, c'est environ. Je prépare un mélange explosif, c'est comme le shit de Sky ou une connexion d'MC. Faire un cocktail, comme à l'hôtel, j'explose des grosses. Au mec, dis-moi qui peut me test. Yes, nigga, j'suis pas le king, j'suis pas le best. Pendant que ça tire, j'mets ma veste en guise de gilet. Ton sang gicle, après une gifle. Lyrical, attentat comme sur Wall Street. Dans ce world, y'a trop de traite. Tes photos la pète, ils font les tasses comme Carla, la brunette. J'ai vu trop de merde rimer, trop de craques surcrimer. Eh, hey, j'ai pas terminé, merde, faut qu'on me laisse rimer. Putain, j'ai tant de choses à vous dire, écoutez bien. Car dans ce monde, c'est réussir ou mourir. J'balance des cocktails remplis d'encre sur tous les lepénistes qui pensent que les tests sont remplis de cancre. Encore un texte sincère rempli d'espoir, censé servir à ce sorti d'escroc. Je reconnais le style, je rappe sous en bas la cote. J'ai pas la cote et rien à foutre, moi mon inspi c'est pas l'alcool. Ma gueule c'est du rap, t'as 20ème en mode rap dame. Juste après la coupure en bas du texte pour une bonne rap. T'as la foi mais je contrôle pas, surtout quand y'a trop de bas. Fur et mettre des croches pas, t'es voudrais qu'on s'approche pas. Vu qu'on débranche pas, truc et qu'on décroche pas. Fut mais des gauche droite, c'est la chute quand des proches pas. On s'enlise, tous atteints de l'insomnie. L'album si ça sent le mille, c'est rame ça fait rien pas online. Ils ont mis la surmise, avant t'as passé sur la même piste. Subtil moi pas la tasse dans le bassin. On se m'écra, je suis le pape, donne-moi ton cœur, donne-moi tes reins. Embrasse mon cul, embrasse mes pieds, embrasse ma main, je suis ton parrain. La prison, je connais pas, c'est mes potos qui sont là-bas. Dans mon quartier, je te nique ta mère, si t'es pas d'ici, tu sois Gucci, Don Corleone, Don Chichi. Barbito, Andorini, je sors tout seul, j'ai pas de garde. Tes coups de couteau, je te dégarde, prends mon sperme, la bouche est pleine. Ne parle pas, la bouche est pleine, a compris, ton rôle de chienne, elle crie tous comme Riel. 18 years now and still mongers got no cash, mate. I fucked up with school and every night I crash late. I feel finished like a virgin in an ashtray. In bad days when people wonder when you last change, for fuck's sake, I'm a man in a sad state, living in my face, feeling as good as bright as a black stain. As shit as a singer blew back the backstage. And in that stage you wanna fuck off the Stargate. Microclimat, tu reconnais l'école, ouais. Tu connais nos codes, MST prod. Viens pas squatter avec nous si tu veux rester propre. Délaisse tes potes, pas la devise. Là on archive une bombe sonore. Pousse tous ceux qui somnolent et activent leur sonar. Par une bique, une feuille du shit, une taille. L'essence et le c'est niqué. L'ascenseur et le billet, t'es l'ascenseur sans ses briquets. Donc on prépare les explosifs, hein, ces gens sont mais méprisants. Comme foutre dans une même pièce, l'ami calife et c'est un beau président. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Il fallait que ça sache, accro à Mike dans le fal, Sarah Salta, Félix, sa mère, on n'est pas là pour que ça le fasse. Mélange explosif, frappe et crache des sales faces. C'est la Bretagne, Pana, mais c'est quelques environs. Y'a trop de pérards dans le rap et mettre des claques, c'est environ. Je répare un mélange explosif, c'est comme le shit de Sky ou une connexion d'MC. Microclimat, en visite à la capitale. Cocktail de MC en tout genre, ici y'a pas de capitaine. Reine, reine, Paris c'est la nitro et la glycérine. Le deal est simple, on s'empare du micro et on glisse nos rimes. Rap au bistouri, donc y'a pas de piste horrible. Encore un son, fait en sous, malheureux sur le bisturi. Tu veux des petites stories sur chacun des gars de l'équipe. Tu vas les dix et des tueries, mais je suis pas sûr que garde l'équipe. Explosion lyricale comme les cris d'un rital irritable. Ou comme un sale clash entre poteaux après Siri. Car trop de mecs jouent les comiques, mais se crament les ailes comiques. Car moi je ricane, leur projet coule comme le pétrole de lyrique à la conscience comme héritage. On cherche des vérités, very bad trip. Quand la vie joue la sévérité, mélanger explosif, mais pas de caïda, Al-Qaïda. Que des rimes qualitatives qui font sauter les barricades. Le stylo une allumette, la feuille blanche est un grattoir. Du monde dans la marmite, le mélange crée un cratère. L'équipe à cocktail détonnant, comme un lion et une vierge. Fondu dans la marche, je suis un caméléon sur une pierre. Posé chez AMX, en fait ici y'a pas d'heure fixe. Mélange explosif, la boîte noire, la preuve y'a plein d'artistes. L'écriture pour moi, la plus belle arme des opprimés. Certains aiment trop le pouvoir et veulent nous voir les os brisés. Il fallait que ça sache, accro à Mike dans le fal, Sarah Salta, Félix, sa mère, on n'est pas là pour ça le face. Mélange explosif, frappe et crache des sales faces. Hey, hey, mélange explosif. C'est la Bretagne, Pana, mais c'est quelques environs. Y'a trop de pérards dans le rap et mettre des claques, c'est environ. Je répare un mélange explosif, c'est comme le shit de Sky ou une connexion d'MC. Un beau piel des terres, Mango Chilom, cumpleaños feliz cousin, Oscar Mister AMX. comprennent pas que la barre est haute. Après ces fils de pute te prennent pour des cribards des halls, hein.